L'agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « L'autoportrait du violateur des droits de l'homme ». Elle a indiqué « Au Japon apparaissent l'une après l'autre des personnes qui étaient portées disparues. On prétendait qu'elles étaient enlevées par nous. » Selon le Sankei Shimbun, le 1er décembre, le département de la sécurité publique de la préfecture de police de Tokyo a annoncé la découverte à la seconde moitié de novembre dernier à l'intérieur du pays de Katsuki Masanori, 68 ans, 36 ans au moment de la disparition. Ce dernier était porté disparu au quartier d'Edogawa de la métropole de Tokyo en février 1985 et il était reconnu qu'on ne pouvait exclure la possibilité d'être enlevé en Corée du Nord. En juin dernier, la police du département de Fukui a affirmé la découverte à l'intérieur du pays de Miaouchi Kazuya, disparu spécial, 32 ans au moment de la disparition. On disait qu'on ne pouvait nier la possibilité d'être enlevé par nous en 1997. Le Japon a jusqu'à présent mis en cause les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée en prétextant le problème d'enlèvement qui a été déjà réglé. Mais ces nouvelles montrent devant la société internationale l'autoportrait du Japon violateur des droits de l'homme. Le gouvernement japonais prolonge chaque année la mesure de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée sous prétexte du problème de l'enlèvement et se tient à la tête de la campagne contre elle. Il ne prête pas attention à la demande de la société internationale de présenter des excuses et compensations pour ces crimes inouïs contre l'humanité commis par le Japon dans le passé. Pire encore, le Japon a joué le rôle principal pour l'adoption à l'ONU, il y a quelque temps, du projet de résolution sur les droits de l'homme contre la République populaire démocratique de Corée à l'instigation des États-Unis, et il prétend les droits de l'homme plus que quiconque. Le Japon, qui a les mains tachées du sang de notre peuple et des peuples de beaucoup de pays asiatiques, se conduit en défenseur des droits de l'homme. Voilà l'impudence extrême qui évoque un loup sous le masque du mouton.